Mais putain, qu'est-ce que t'as des leçons de morale à donner? Toi, t'es tellement supérieur pour dire ce qui est bien, ce qui est mal, quoi. Hein? Pourquoi t'es jamais de mon côté? Pourquoi t'es toujours du côté des enculés d'abord? Attends, de quel enculé tu parles, putain? Si t'étais allé à l'école, tu serais la haine à tirer. Attends, la haine à tirer, la haine. Mais j'ai pas été à l'école, quoi? Moi, je suis de la rue, moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas la voix ni l'émotion comme Tracy Chapman. J'aligne les rimes et les mots sombres, t'apprécies chaque face. Le rap d'un petit arba, mis ses francs m'irritent. Le seum du daron irritable, un sale présage comme héritage. Notre art est lyrical, mot glace l'envoie au présage. Faut rester humble et modeste, tout ça les frais le savent. On quiconque fait le taf, j'm'en pète si l'heure est grave. En concert, en spectacle, le public nous réclame. Nos peurs sont véritables, ma voix couche des enceintes. De la mentale des anciens, pareil qu'on héritera. Nos pensées noires se vident comme cal de l'Erika. 9-4 se fasse vie comme d'hab, on dédicace. Plus tard il restera quoi, à part nos voix sur disque. Le silence m'assourdit, je suis sobre une fois sur 10. Pas de justice, pas de paix, je flippe en ma descendance. Pendant que tu te fais palper, qui se fait un vrai sang d'encre. En musique ou dans la vie, faudra qu'on laisse nos traces. Les yeux fixés vers l'avenir, le passé crée le contraste. On regarde grandir nos gosses, mais qu'est-ce qu'on laissera? Des larmes sur des visages, notre part de l'héritage. En musique ou dans la vie, faudra qu'on laisse nos traces. Les yeux fixés vers l'avenir, le passé crée le contraste. On regarde grandir nos gosses, mais qu'est-ce qu'on laissera? Des larmes sur des visages, notre part de l'héritage. Je passe de l'amour à la haine en une fraction de seconde. Côté rital, héritable, on sera des grandes ce monde. Le cœur et le moteur serré, je bombarde en fond de seconde. Mental de bois, coup de corse, comme ça que nous fonctionnons. Impatient comme les gosses, on veut tout de suite. La rime est tranchante, affûtée comme l'âme d'un tonnier. L'amitié s'effrite vite comme un potier. Pourtant, frérot, jusqu'à la muerte, on se l'était tous dit. Ne va pas croire que la drogue t'adoucit, non. T'as les mains faites pour l'or, mais elles sont dans le ciment. L'héritage des anciens qui se murent dans le silence. Où les sourires se font plus rares qu'une pluie d'étoiles filantes. Y'a pas que les coffres, aujourd'hui les femmes sont plastiquées. N'écoute pas l'homme qui dit qu'il te fera part ce qu'il t'aime. Fais du sale dans la vie et tu perds à la cuenta. C'est du deux mesures et on s'en bat les coups si t'aimes pas. En musique ou dans la vie, faudra qu'on laisse nos traces. Les yeux fixés vers l'avenir, le passé crée le contraste. On regarde grandir nos gosses, mais qu'est-ce qu'on laissera? Des larmes sur des visages, notre part de l'héritage. En musique ou dans la vie, faudra qu'on laisse nos traces. Les yeux fixés vers l'avenir, le passé crée le contraste. On regarde grandir nos gosses, mais qu'est-ce qu'on laissera? Des larmes sur des visages, notre part de l'héritage. Simple exutoire, nos morceaux sont faits d'amour et de rage. Qui héritera des mensonges qui font trop couler de larmes? La vérité est éclabousse comme pavé dans la mare. L'intégrité touche le fond comme plongeons dans la marne. J'aime la sincérité, la vérité pour Adama. Bientôt on va 23, ça se fume pour un Kamaz. Les potes me disent lâche pas l'affaire, ça tue ce que vous faites. L'héritage du grand frère, ça rappait sur du Wu-Tang. Le rap est nous, trop fidèle comme Panam et Kylian. Sans tapis rouge, on fait la pierre comme Boomba et Kikash. Le doute m'anime, nos cœurs durcissent comme coulées de lave. Toute ma vie, je ferais peut-être de la zig sans coup d'éclat. Tout a une fin, même les plus belles fleurs fanent. On dit que le deuil passe et que les hommes ne pleurent pas. Moi, je vois le temps qui galope et que les petits grandissent. Les big ravers mineurs comptent de 10 en 10. En musique ou dans la vie, faudra qu'on laisse nos traces. Les yeux fixés vers l'avenir, le passé crée le contraste. On regarde grandir nos gosses, mais qu'est-ce qu'on laissera? Des larmes sur des visages, notre part de l'héritage. En musique ou dans la vie, faudra qu'on laisse nos traces. Les yeux fixés vers l'avenir, le passé crée le contraste. On regarde grandir nos gosses, mais qu'est-ce qu'on laissera? Des larmes sur des visages, notre part de l'héritage. Cherche pas la faille, qui hérite de la violence. La rue a fait de moi ce que je suis. Strictement hardcore. L'héritage du grand frère, ça rappait sur du Wu-Tang. Qui blaste ma musique de la jeune. Cherche pas la